Audiomatic. c'était la composition In the Sea du projet Idle Phone de l'artiste iranien Hezam Ohadi qui ouvrait la transmission 022 d'Audiomatic. Cette pièce, d'une belle complexité sur le plan des textures sonores, représente bien ce qu'on retrouve sur le premier album d'Idle Phone intitulé Intense Collectivity Known as a City. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que nous sommes les électronistes et qu'à chaque mercredi dès 18h, nous vous convions à 60 minutes ou presque de musique électronique dans toute sa splendeur. Si vous considérez l'horaire du mercredi à 18h comme étant contraignant, vous serez peut-être intéressé de savoir que nous sommes rediffusés sur les ondes de C'est fou les samedis à 20h. Et si jamais les ondes hertziennes ne sont pas pour vous une alternative, soyez rassurés, car vous pouvez écouter toutes les anciennes transmissions d'Audiomatic en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatic CFOU. Et si jamais, en plus de ne pas pouvoir synthoniser le 89.1 FM, vous n'avez malheureusement pas accès à Internet, eh bien, nous ne sommes d'aucune utilité car vous n'avez même pas été en mesure d'entendre ceci ou ni même cela. fait tout de tes yeux. Tu es vite mes feux. Tu ne penses qu'à ta personne et ton mépris qui m'empoisonne. Un détour de tes yeux. Tu es vite mes feux. Tu ne penses qu'à ta personne et ton mépris qui m'empoisonne. à Audiomatic, nous avions droit à l'artiste français Christopher K, qui s'orthographie K-A-H, et sa composition Disconnect Me de l'album A Wonderful Dark World, paru en 2005. Tout juste avant, il s'agissait du groupe finlandais Pépé Deluxe et la chanson Indifférence, interprétée par Virginie Adaden, qui fait partie du duo Capsule et qui est mieux connue sous le pseudonyme de Super Vivi. Cette chanson se retrouve sur le deuxième album de Pépé Deluxe qui s'intitule Béatitude et qui est paru en 2003. Et pour débuter le segment musical, nous entendions le compositeur américain Arto Lindsay avec la chanson Combustible de son dernier album solo Salt, lancé en 2004. Arthur Morgan Lindsay, de son nom complet, a vécu pendant plusieurs années au Brésil et a commencé sa carrière musicale à la fin des années 70 au sein de la formation DNA. Les électronistes lancent la prochaine séquence musicale avec une pièce électronique, bien évidemment, mais dont l'approche créative s'inscrit davantage dans le style qu'on qualifie de progressif. Installez-vous donc confortablement pour vous laisser emporter durant les quelques 8 minutes que dure la composition Creating World du projet First Law. Creating world. just to stay very dark. We'll be right back. Vous êtes dans la zone 89.1. Avant la pause publicitaire, le duo californien Amen concluait la séquence musicale sur des tonalités à tendance plus gothique avec la pièce Apostatic tirée de son album homonyme. Avant, c'était la composition sonore du projet Black Film. On la retrouve sur l'album homonyme, donc qui porte tout simplement le titre Black Film. Et au début de la séquence, c'était First Law qui nous interprétait sa pièce Creating Worlds, parue sur son quatrième album intitulé Beyond Io, sorti en 2004. Voici maintenant un musicien qui n'a plus besoin d'introduction, alors écoutons-le sans en dire davantage. Wicked little doll, lovely to look at. Wicked little doll, charming to hold. Wicked little doll. No soul. Wicked little doll, I'm not your victim. Wicked little doll, you need me too. Wicked little doll, I'll be your partner. Wicked little doll, can I play too? We'll be right back. Vous avez peut-être reconnu la chanson « I Wanna Be Your Dog » interprétée originalement en 1969 par The Stooges, le groupe mené par Iggy Pop. Nous avions droit ici à la reprise qu'en a fait Emily Simon sur son album The Flower Book. Nous avons également pu entendre Faux Tech, le projet du Britannique Rupert Parkes, qui nous présentait sa composition Junk, tirée de son troisième album Solaris. Et en amorce de séquence, il s'agissait de nul autre que David Byrne, peut-être mieux connu pour ses années passées au sein de la formation Talking Heads. Nous entendions sa chanson Wicked Little Doll, tirée de son sixième album solo Feelings, paru en 1997. Pour terminer de belle façon cette transmission 022 d'Audiomatique, nous écouterons une courte pièce plus ambiante du groupe italien Hidden Place, soit Spazio Zero. Toutefois, la formation de Frozen Autumn a mis sa touche, notamment en ajoutant la voix de son chanteur à cette composition à l'origine instrumentale. Le vocal mix de la pièce Spazio Zero peut se retrouver sur l'album Fantasia Mechanica de Hidden Place. Les électronistes qui vous remercient sincèrement d'avoir été attentifs à ces propositions musicales, nous serons de retour en ondes mercredi prochain à 18h pour la transmission 023. D'ici là, vous pouvez informer vos amis qui auraient malencontreusement raté la diffusion de ce soir qu'Audiomatique est rediffusé les samedis à 20h et que toutes les anciennes transmissions sont disponibles sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Bien que vous soyez assurément triste que l'émission se termine, nous vous encourageons à rester à l'écoute de ces fous car les audacieuses suivront dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici Hidden Place avec la pièce Spazio Zero, remixée par The Frozen Autumn.